Ce soir, t'es roue libre. Alors, en toute transparence, on confesse tous que c'est probablement l'un des épisodes les moins préparés de Podcast Science. Mais qu'à cela ne tienne, on vous invite à découvrir toute une série de chroniques dont l'intelligibilité et la limpidité n'auront d'égal que la diaphanéité de la thématique de l'épisode transparent. C'est vous ce qu'on peut faire avec des mots dans ce podcast. On espère que tout cela sera clair comme de l'eau de roche. Nous sommes le mercredi 2 mars 2022. Vous écoutez l'épisode 470 de Podcast Science. Bienvenue. Et ce soir, pour cet épisode dans notre table virtuelle, nous avons Topo, dresseur de parasites depuis Paris. Attrapez-les tous! Bonsoir. Nous avons Joad, découvreur d'exoplanètes depuis Paris. Attrapez-les toutes! Cléora, explorateur de la nature humaine depuis la Normandie. Salut à tous. Moi, j'attrape pas tout le monde, c'est bon. Pascal, notre magicien de la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et c'est moi-même qui passerai les plats dans cet épisode roue libre pas très préparé. Donc ce soir, comme dans tous les épisodes de Roue Libre, on vous a préparé une série de chroniques plus ou moins farfelues dont vous ne ressortirez pas avec au moins 3 anecdotes qui changeront votre façon de voir le monde. Vous nous direz lesquelles après l'épisode. Et on commence avec Joanne. Super. Et ben donc ce soir, je vais vous parler de l'univers transparent. L'univers transparent, c'est celui qu'on ne voit pas. Et donc on va commencer un petit peu par parler de comment est-ce qu'on arrive en fait à obtenir des informations sur l'espace. Quels sont les canaux qu'on utilise pour trouver des informations sur l'espace. Donc le premier qui va vous, je pense que vous allez me dire, c'est utiliser des télescopes. Et donc qui vont analyser la lumière des étoiles, des planètes, des galaxies, etc. Donc il y a ça, c'est en gros, c'est un télescope, c'est un machin qui capte la lumière. Donc il y a plein de sortes de lumières. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros la lumière, donc c'est ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques, et ça va de très énergétique comme les rayons gamma à très peu énergétique comme les ondes radio. Tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Tout ça, c'est vaguement de la lumière. Et est-ce qu'il y a d'autres façons, du coup, d'obtenir des informations qui ne soient pas de la lumière? Donc la grande découverte de ces dernières années, c'est les ondes gravitationnelles. Donc là, c'est pas des photons, c'est pas de la lumière, c'est l'univers lui-même qui se met à vibrer lors d'événements, comme lorsque deux trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires se rencontrent dans une étreinte passionnée et dégageant des quantités folles d'énergie. On en a déjà parlé en 2016, au moment de leur découverte des ondes gravitationnelles. Je vous renvoie à l'épisode 2016 sur le sujet. Allez, pardon, j'ai pas marqué. L'épisode 257, je crois, sur le sujet. Voilà. Donc, ça, c'est une autre façon qui ne fait pas intervenir la lumière sur comment l'univers nous envoie de l'information. Il y en a une aussi qui, c'est pas forcément, mais qui est que on peut, par exemple, ramasser une météorite sur le sol et analyser sa composition. Donc là, ça ne fait pas intervenir non plus de la lumière. Pas mal de choses qu'on sait du système solaire, c'est comme ça. On peut aussi ramener des cailloux, comme par exemple les missions Apollo, qui ont ramené des cailloux de la Lune. On peut aussi faire tout ce qui est analyse in situ, c'est-à-dire, par exemple, les robots martiens, qui envoie une sorte de petit laboratoire sur place pour faire des petites expériences. On a par exemple envoyé des sismographes sur la Lune et sur Mars, par exemple. Et c'est comme ça qu'on sait beaucoup de choses sur la composition interne de ces planètes et de ce satellite. Voilà, du coup, de l'analyse, donc c'était de l'analyse d'ondes sismiques à distance. Et donc tout ça, c'est un peu particulier pour le système solaire. Passer nos plus proches planètes voisines, on ne peut pas s'y rendre in situ, et donc on ne peut pas analyser l'univers ainsi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre façon d'apprendre sur l'univers? Il y a aussi les noyaux de matière qui nous parviennent de l'univers. Donc des noyaux d'atomes, en grande majorité des noyaux d'hydrogène et d'hélium, qui sont des éléments les plus abondants dans l'espace. Et ils arrivent directement sur notre atmosphère, ils tombent de l'espace. Donc c'est pas des photons, donc ça rentre pas dans la catégorie lumière. Ce sont des atomes qui arrivent vers nous avec plus ou moins d'énergie, et ils interagissent assez fort dans l'atmosphère et la magnétosphère, ce qui fait que, par exemple, les particules chargées envoyées par le Soleil sont responsables des aurores boréales lorsqu'ils arrivent autour de la Terre. Et puis, depuis le XXe siècle, on sait qu'il y a des sources très très puissantes, ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Donc, par exemple, la particule la record plus puissante de celle qui a été trouvée, c'est la particule Oh My God, abrégée OMG, qui était un rayon cosmique d'ultra haute énergie, probablement un proton, c'est-à-dire le noyau d'un atome d'hydrogène, porteur d'une énergie exceptionnellement élevée, c'est-à-dire qu'il se déplaçait à la vitesse estimée à 0,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 particule de masse non nulle. Voilà, donc c'était une sorte de missile qui traversait l'univers à toute vitesse, qui a été détecté le 15 octobre 91 à 13h34 dans le détecteur à rayons cosmiques ARS situé dans l'Utah. Et donc ça, c'est une information qui est aussi indépendante de la lumière, l'existence. Et on sait à peu près quel est le phénomène qui explique que on peut avoir une particule comme ça. Pas exactement, justement, je vais un tout petit peu en parler, mais en fait, l'existence même de ce genre de particules montre qu'il y a forcément des trucs, des phénomènes qui sont terriblement énergétiques, qui permettent d'accélérer ces trucs-là à ce point-là. Et on a aussi certaines théories qui pourraient potentiellement imaginer qu'en fait, ce serait pas une accélération, ce serait une création donc d'un phénomène de plusieurs particules qui se rencontrent et qui créent un proton extrêmement énergétique. Voilà. Mais pour certaines particules, en fait, les plus énergétiques, en fait, on n'arrive pas à voir la source, c'est-à-dire détecter une onde électromagnétique associée, détecter la lumière associée. Voilà, donc ça nous donne une information qui est indépendante de la lumière et qui nous apprend sur l'univers. On sait qu'il y a des phénomènes qui sont suffisamment énergétiques pour créer ce genre de particules, même si on n'arrive pas à les voir pour le moment. Voilà, donc mais ces noyaux sont assez rares, question assez peu. Et enfin, il y a une dernière méthode qui est importante pour la détection, c'est l'astronomie neutrino. Les neutrinos, c'est les petites particules qui sont très peu massives et qui interagissent quasiment pas avec le reste de la matière. Et du coup, le problème de pas interagir avec le reste de la matière, c'est que votre détecteur, il est fait de matière et que du coup, il va ne pas interagir avec votre détecteur. Donc, ils sont quasiment indétectables, au point même qu'il y a des millions de ces particules qui viennent de l'espace et qui vous traversent chaque seconde sans qu'on s'en aperçoive. En fait, ils s'interagissent très très très très peu et en fait la façon de les détecter, c'est qu'on se met dans un endroit très très très très très noir, donc ça veut dire où il y a très peu de photons, et vous observez une grande étendue d'eau, et puis une fois tous les jamais, vous allez voir quelques photons émis à cause d'un neutrino qui s'est tapé avec un atome de la piscine. C'est ce que les Japonais ont fait, c'est l'expérience de Super Kamiokande, qui est une immense piscine sous la Terre, dans une ancienne mine, filmée en permanence par des milliers de détecteurs. Voilà. Bon, tout ça, c'était un peu anecdotique, en fait, toutes ces petites méthodes que je vous ai décrites, parce que 99% de ce qu'on sait sur l'univers vient de la lumière, comme je l'ai dit au début, les ondes électromagnétiques. Il y avait quand même une question de cas où, avant que tu passes sur ces 99% d'informations venant de la lumière, c'est plus une remarque d'ailleurs, une question. Il dit qu'il y a des rayons cosmiques, protons, d'énergie jusqu'à 10 puissance 19 électronvolts aussi. Est-ce que tu vois à quoi il fait référence? Oui, du coup, électronvolts, c'est une unité d'énergie qu'on utilise en physique des particules. Pour vous donner un équivalent, en fait, ça peut paraître, pour vous donner un équivalent, c'est l'équivalent d'une balle de tennis qui est tirée par Djokovic environ, quoi, ce genre d'énergie. Donc ça peut paraître bas comme énergie, mais il faut imaginer que c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible en masse qu'une balle de tennis, qui est constituée de milliards de 10 puissance, je sais pas combien d'atomes, de milliards d'atomes, et même beaucoup plus que ça. Et du coup, donc là, voilà, il faut imaginer que c'est des trucs qui sont extrêmement, extrêmement énergétiques, donc on tourne autour de 10 puissance 19, je crois que c'est que les records sont autour de 10 puissance 20 électronvolts, voilà, donc c'est une petite énergie, et d'habitude, c'est des milliards de fois plus énergétique que ce qu'on est capable de faire avec nos accélérateurs de particules. Voilà. Voilà. Mais du coup, 99% de ce que l'on sait sur l'univers, comme je le disais depuis le début, ça vient de la lumière, en fait. C'est de l'analyse de la lumière. Et du coup, pour revenir au thème d'aujourd'hui, c'est transparent, ça veut dire qu'il n'interagit pas avec la lumière. Plus précisément, que la lumière n'interagit pas avec ça. Donc, la lumière passe à travers, sans être modifiée, et du coup, on peut imaginer des choses qui sont dans l'univers, de la matière qui est dans l'univers, mais dont on ne pourrait absolument pas l'analyser grâce à la lumière, parce que la lumière passerait à travers en permanence, donc des choses qui seraient tout autour de nous, mais qui la lumière ne permettrait pas de les analyser. Et le phénomène transparent à laquelle un astronome pense, c'est ce qu'on appelle la matière sombre. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on l'a détectée et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la voir jusqu'à maintenant. Enfin, pourquoi ? Le fait qu'on ne puisse pas la voir. Voilà. Donc, durant tout le XXe siècle, on a des télescopes de plus en plus précis. On étudie les galaxies autour de nous. Donc, les galaxies, je vous rappelle, c'est un amas d'étoiles. Et assez rapidement, on s'aperçoit que les galaxies tournent un peu trop vite. En effet, les travaux de l'astronome suisse Fritz Zwicky, puis ceux de l'astronome américaine Vera Rubin, utilisent la rotation pour déduire la masse des galaxies. Donc les galaxies, en fait, elles tournent sur elles, donc elles sont constituées de milliards d'étoiles, et elles tournent sur elles-mêmes. Un peu comme un système planétaire avec des planètes qui tournent autour des étoiles. Et donc pour un système planétaire, plus c'est loin de l'étoile, moins ça va vite. C'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Donc la planète la plus rapide à tourner autour de son orbite, c'est Uranus, et la planète la plus lente à tourner, c'est Neptune. Donc plus c'est près, plus ça va vite. Alors c'est un peu plus compliqué pour une planète, un système d'étoiles, parce qu'en fait l'énergie, la masse est beaucoup plus diffuse. Il n'y a pas toute la masse au centre dans l'étoile et puis des petits machins autour. Là, bah si vous prenez une étoile, elle a beaucoup de masse à l'extérieur, qui sont les autres étoiles à l'extérieur, et puis beaucoup de masse à l'intérieur. Voilà, donc ça, le calcul est un peu plus compliqué, mais on s'en sort assez bien. Et donc ce qu'on attend, c'est que au début, bah du coup ça accélère un petit peu en vitesse, ça va de plus en plus vite avec si on s'éloigne du centre. Et puis au bout d'un moment, quand vous êtes sur les périphéries de la galaxie, à cet endroit-là, en fait, bah la majorité de la masse est à l'intérieur et du coup ça se rapproche pas mal du système planétaire. Donc là, plus vous allez être loin, plus vous allez tourner lentement comme dans un système planétaire. Donc ça, c'est ce qu'on attendrait, c'est que avec la théorie que les étoiles qui sont le plus proches du centre, donc il y a un endroit où ça tourne assez vite et puis quand on s'éloigne, en fait, ça tourne de plus en plus lentement plus on s'éloigne du centre de la galaxie. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir compris l'ordre des planètes par rapport à cette histoire de vitesse. T'as cité Uranus et Neptune. J'ai dit Mercure. J'ai pas dit Mercure. Ok. T'as dit Uranus, je crois. D'accord, ok. Donc, oui, plus les planètes sont près, plus elles tournent vite en vitesse autour de l'eau. Voilà. Donc, okay. Mercure tourne plus vite que Neptune. Que Vénus, qui tourne plus vite que la Terre, qui tourne plus vite que, etc., etc., quoi. Plus on s'éloigne, plus c'est lent. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. Et c'est ce qu'on s'attendrait, en fait, dans les couches extérieures des galaxies, c'est ce à quoi on s'attendrait aussi. Pas forcément à l'intérieur, parce que c'est un peu compliqué, parce que les planètes, les étoiles de l'extérieur ont un effet. Mais si vous placez suffisamment loin du centre de la galaxie, normalement vous attendrez à ce que ça décroisse avec la distance. Et du coup, bah en fait, on pourrait du coup déduire ça à partir de la masse d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Et bah qu'est-ce qu'on fait pour regarder la masse d'étoiles qu'il y a dans la galaxie? Bah on regarde la luminosité, comme les étoiles émettent de la lumière d'une certaine façon. Plus une galaxie est brillante, plus une galaxie a d'étoiles. C'est ce qu'on appelle la relation masse-luminosité de l'étoile. Voilà. Et donc, bah, à partir de ça, en fait, on pourrait calculer à quelle vitesse tournent les galaxies, parce qu'on connaît leur masse, parce qu'on connaît leur luminosité. Voilà. Ça, c'est la théorie, et c'est pas ce que Vera Rubin a vu. Et donc, elle s'est aperçue que les galaxies à l'extérieur, les étoiles à l'extérieur des galaxies tournaient beaucoup plus vite par rapport à la masse interne vue. C'est-à-dire, comme je vous le disais, la masse combinée des étoiles à l'intérieur de la galaxie qui contribue à la luminosité. Donc, comme d'habitude, quand il y a un problème entre une observation et la théorie en physique, on a alors deux choix. Soit la théorie est foutue et il faut en changer, soit la théorie est juste, mais l'observation n'est pas la bonne, on n'a pas bien tout observé, on a oublié un effet, on a oublié quelque chose. Et c'est aussi les deux pistes sur lesquelles se sont penchés les chercheurs. Donc, une petite partie de la communauté pense toujours, d'ailleurs, que la théorie de la gravité est fausse à grande échelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit truc que je vous ai dit là, c'est que sur le fait qu'on s'attend à ce que ça fasse ça, c'est sur le fait que l'univers soit vaguement newtonien, c'est-à-dire qu'on observe avec une théorie qui ressemble à la théorie newtonienne. Peut-être que c'est pas le cas. Donc ça, c'est la théorie MOND, M-O-N-D, pour Modified Newtonian Dynamics, et qui dirait qu'à courte échelle, comme par exemple dans le système solaire, bah, ça ressemble à la théorie newtonienne. Et puis, si on va à très grande échelle, très grand autour de l'univers, enfin autour des grandes galaxies, dans les franges des grandes galaxies, et ben on commence à avoir des effets, voilà, qui font que ces galaxies éternes tourneraient plus vite. Voilà. Et le problème, c'est que modifier la gravité, ça a des implications importantes, parce qu'en fait, la gravité, elle intervient partout, dans pas mal de phénomènes qu'on voit en astrophysique, et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de physiciens qui s'accordent à penser que c'est plus embêtant de modifier la gravité que d'essayer de se dire, en fait, la gravité est juste, mais on a fait une erreur, on n'a pas tout compté, voilà. C'est pourquoi la plupart des astronomes penchent plutôt en faveur de l'existence d'une matière sombre. C'est-à-dire que les galaxies seraient remplies d'une matière qui est assez lourde pour influer sur la rotation des galaxies, mais qui n'émet aucune lumière et qui n'a aucune influence sur la lumière. Une matière pesante, mais totalement transparente. Voilà. Et donc, une des raisons pour lesquelles cette théorie gagne du terrain face à la gravité, c'est qu'on a de plus en plus d'observations indirectes de cette matière pesante et transparente. Par exemple, dans l'épisode 379, j'avais invité une collègue, Agnès Ferté, qui était venue nous parler de l'étude des lentilles gravitationnelles. Donc, en effet, la masse des amas de galaxies, normalement, devrait dévier la lumière qui nous vient de derrière d'une certaine façon. Et donc, on peut s'en servir de cette méthode pour peser les amas de galaxies. Et là encore, on s'aperçoit qu'il y a trop de masse par rapport à ce que l'on voit. Donc, quand on dit voit, ça veut dire à partir de ce que l'on peut déduire juste en regardant la lumière de ces amas. Voilà. Donc là aussi, il y a de la masse transparente. Donc voilà, la seule information qu'on a sur cette matière sombre, et donc souvent les gens préfèrent utiliser l'idée de matière sombre plutôt que matière noire, parce que matière noire, on aurait l'idée que même les choses très noires, elles absorberaient la lumière, quelque chose de noir sur Terre, ça absorbe la lumière. Donc là, ça serait quelque chose, une sorte de matière transparente, c'est-à-dire qu'elle ne l'absorbe pas, elle n'en émet pas, elle n'est juste pas là en fait. Voilà. Elle influe gravitationnellement avec le reste de la matière, mais elle n'influe que très peu sur la lumière et sur les autres particules. Voilà. D'autant plus, effectivement, que comme les neutrinos dont j'ai parlé tout à l'heure, si cette matière existe, elle n'interfère aussi que très peu avec nos détecteurs, parce qu'on ne la voit pas tous les jours, on ne se prend pas des particules de matière noire dans nos détecteurs sur Terre. Voilà, donc la nature de cette masse transparente fait encore pas mal débat, c'est une des plus grandes questions actuelles en astronomie. On a d'abord éliminé pas mal des objets de matière classique qui émettraient peu de lumière, donc ça serait un peu triché, ça serait dire par exemple, imaginons qu'on ait beaucoup plus de gaz qu'on ne l'imagine, le gaz c'est pas très lumineux, donc on pourrait imaginer que s'il y avait vraiment énormément de gaz partout, ça pourrait, en s'additionnant, faire beaucoup de masse au final, qui émettrait très peu de lumière. On pourrait aussi imaginer qu'il y a beaucoup de trous noirs, par exemple, un peu partout, beaucoup plus qu'on imagine, il y a des trous noirs partout, et les trous noirs, ils émettent pas de lumière, voilà. Et du coup, on en verra un peu partout. Mais la plupart de ces théories, en fait, ne sont plus trop étudiées, je crois, parce qu'en fait, même si c'est assez peu visible, s'il y en avait autant que ça, en fait, on les verrait autour de nous quand même. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz, on verrait autour de nous que, même si c'est très, très peu, ça émet peu de lumière, on verrait, en fait, avec d'autres longueurs d'onde, on verrait ces choses-là. Or là, on voit vraiment pas assez de lumière du tout pour que ça soit ces choses-là. Voilà. Et du coup, pas mal de pistes actuellement se mettent vers des particules encore inconnues, des particules totalement transparentes, en partenariat avec les grands accélérateurs de particules sur Terre. Fantastico. Merci, Joanne. Et du coup, tu vas déposer le terme matière transparente ou Eh ben, j'ai trouvé que c'était plus adapté parce que matière noire est. Alors, je sais que donc c'est la traduction de dark matter. Donc, c'est pas black matter en anglais, c'est dark matter qui est vraiment la matière sombre. Mais j'aime bien le côté matière transparente, je trouve que c'est, parce qu'il n'y a pas de raison de dire qu'elle est sombre ou noire, elle est juste pas là. Enfin, elle est là sans être là. Voilà. Voilà. Bon, il faut aussi préciser quand même que c'est encore très discuté, parce que c'est quand même un truc où c'est pas prévu du coup par la physique des particules pour le moment. Du coup, il y a beaucoup de recherches en théorie qui pourraient expliquer ça avec, et on commence à avoir beaucoup de contraintes observationnelles. On sait où se trouve cette matière dans les galaxies, dans les amas de galaxies. On a des cartes de cette matière, même si on ne l'a pas encore vue. Voilà. Et comment on a justement estimé, comment on a cartographié, si c'est pas trop long, cartographier cette matière sans pouvoir la détecter directement? Alors, dans les galaxies, ce qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on fait des modèles, en gros, et on dit, on regarde la vitesse de rotation des étoiles autour, ça te fait une sorte de courbe avec la distance. Plus une étoile est loin, plus elle a une vitesse de rotation autour. Et cette carte, du coup, après, on ajoute à l'intérieur des galaxies ce qu'il faut de matière, à quel endroit on l'ajoute, de manière à pouvoir créer ça. Et pour les amas de galaxies, on a vu qu'en fait, c'était un peu plus compliqué que ça. Il y avait des îlots à certains endroits, des endroits qu'on avait plus, des endroits qu'on avait moins. Et ça, c'est sur les très, très, très grandes échelles. C'est-à-dire qu'on regarde dans une direction et on fait ce qui est appelé ce dont je parlais plus avant, les lentilles gravitationnelles, c'est-à-dire que les grosses masses ont tendance à dévier la lumière. Du coup, on sait les endroits où il y a des grosses masses, des endroits où il y a des grosses masses qu'on ne voit pas. C'est encore toujours la même chose. Dès qu'il, si on voit des grosses, si il y a des grosses masses mais qu'on les voit, c'est bien. C'est les grosses masses qu'on arrive à identifier mais qu'on ne voit pas. Et donc là, c'est sans doute de la matière noire. Et donc, on peut maintenant trouver des cartes de matière noire locales, je crois, à peu près, avec là où il y a les plus gros amas et là où ils ne sont pas. Et ça ressemble à des sortes de grumeaux, voilà. On est bien d'accord que physiquement, la différence entre quelque chose qui serait noir et quelque chose qui serait transparent, c'est que dans le cas du noir, ça absorberait toute la lumière et que dans le cas de transparent, la lumière passerait au travers, c'est ça ? C'est ça, exactement. Voilà. Et puis même, on peut aussi considérer qu'un objet noir sur Terre, il émet de la lumière aussi, c'est ce qu'on appelle, il émet parce qu'il a une certaine température et que tout objet a une certaine température de matière réelle a tendance à émettre de la matière infrarouge. Là, c'est une matière qui n'émet pas de lumière et qui interagit soit extrêmement peu avec la matière, avec la lumière, soit même pas du tout. Voilà. Donc c'est vraiment un truc transparent. Voilà. Mais il faut ajouter aussi qu'il y a quand même le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une sorte de rustine qu'on a mis sur une théorie cassée et qu'en fait il y a une théorie qui est beaucoup plus compliquée qui expliquerait très bien l'univers sans avoir besoin de faire ça. Mais c'est un problème très ouvert encore en ce moment. Parce que la quantité de matière transparente du coup sera énorme a priori. Parce que moi, en analogie, il me semble qu'on m'avait donné que c'était comme les mycéliums cachés sous la terre et on voyait que juste les champignons, c'est ce qu'on voit. Et la matière sombre ou la matière transparente, c'est le certain mycélium dans la forêt, quoi. C'est 97%, je crois, de la matière. C'est-à-dire qu'en masse, la matière qu'on voit, toute la matière qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on voit autour de nous, les étoiles, les planètes, les chats, les chiens, les mycéliums, tout ça, ça serait 3% de la matière, et 99% de la matière serait de la matière noire. J'adore comment un astronome résume l'univers. Hein. Les chats, les chiens, le mycélium. D'autres questions? Et du coup, ce serait ça qui a inspiré dans Star Trek Discovery, les mycéliums, là? Je sais pas si vous regardez cette série. J'ai regardé cette série. Je ne sais pas ce qui a influencé sur ça. Mais c'est pas impossible qu'il parle de matière noire là-dedans, effectivement. Oui, il y a des passages sur ça. Ça inspire beaucoup la science-fiction. Il y a des nouvelles qui ont été écrites sur... Parce que c'est un truc fascinant, en fait, de se dire que... Bah, quand on sait pas, quoi. Qu'il y a de la matière... Non, mais surtout qu'il y a de la matière partout qui interagit pas avec nous, qui nous traverse, qui nous voit pas, qu'on ne voit pas. C'est, tu peux imaginer potentiellement un autre univers qui est en décalage avec nous, mais qui est là aussi, quoi. Je ne dis pas que c'est des aliens, mais c'est des aliens. C'est ça. Donc, j'avais sur Wikipédia, là, il parlait d'une nouvelle de science-fiction en imaginant des grands êtres intelligents qui feraient la taille de plusieurs systèmes solaires, mais qui seraient faits de matière noire, donc qui n'interagiraient aucunement avec nous. Voilà. Je crois que dans... Donc, c'est dans Star Trek, non? Je sais plus. Bah, t'as une chance sur deux de te faire brûler. Non, alors non, vas-y. je sais plus lequel, mais il me semble que c'est l'interface pour naviguer le vaisseau, en fait, qui fonctionne sur la base de spores, et que du coup, s'il s'injecte les spores, il peut avoir une cartographie mentale de l'univers, comme ça, et puis se déplacer. C'est un peu perché comme concept, mais j'aime bien. C'est Star Trek Discovery, et la première découverte qu'ils font de ce mycélium, c'est parce qu'il y a un tardigrade de l'espace qui emprunte ce mycélium. Exactement. Cosmique. C'est merveilleux. D'ailleurs, en parlant de tardigrade, ça nous fait une excellente transition vers la chronique de Topo, puisqu'il va nous parler de bestioles, comme d'habitude. C'est vrai, en effet. Et puis, les tardigrades sont pour la plupart transparents, donc c'est fantastique, puisqu'on va se demander comment les animaux gagnent en transparence. Mais avant de commencer ma chronique, je vais faire un petit tour de la table virtuelle et demander à mes chers membres de Podcast Science si vous deviez choisir un super pouvoir, lequel serait-ce? Moi, j'aimerais savoir voler. Alors, Eléa, ce serait le vol. Cléora ? Ce serait remonter dans le temps. Remonter dans le temps, c'est-à-dire le meilleur pouvoir, puisque c'est bien entendu le mien. Alors, moi, c'est pas remonter, c'est contrôler le temps. Futur, passé, machin, pause, accélérer, etc. Moi, j'aimerais bien me rendre absolument partout dans l'espace, comme ça, je pourrais me teletransporter de quel que soit l'endroit où je veux dans l'espace. Tout à fait, comme Nous, on a le contrôle du temps, on a aussi ce pouvoir, donc on est mieux. On peut évoquer alors du coup le super pouvoir de ma chère étendre, Élise, qui, elle, son super pouvoir, c'est de contrôler la météo. Donc voilà, donc à chaque fois, on a des grosses disputes entre qui a le meilleur super pouvoir. Je pense que on pourra solliciter le podcast pour me soutenir dans cette... dans cette croisade. Il y en a une qui veut contrôler la météo et l'autre le temps. C'est ça. Donc, déjà, sémantiquement, c'est compliqué parce qu'au début, on croyait qu'on avait le même pouvoir. Moi, j'étais là, ah, mais c'est super, on a le même pouvoir et tout. Et puis après, elle fait, ouais, de la pluie, le beau temps. Je fais, quoi? Il y a un film japonais qui est sorti il y a 2 ans, là, qui s'appelle Les Enfants du Temps et qui parle d'enfants qui contrôlent le temps. Mais la météo, en fait. Mais quand je suis rentré dans le ciné, j'avais pas compris. Je m'étonne. C'est... Bon. Mais au-delà de ces pouvoirs moisis, comparé, je vous rappelle, avec la meilleure solution qui est contrôler le temps, hein, voilà. Les super pouvoirs que la plupart des gens me citent, c'est souvent d'acquérir l'invisibilité, qui fait donc bonne figure parmi les super pouvoirs les plus souhaités. Et je me demande si c'est parfaitement souhaitable, car si le pouvoir de l'invisibilité correspond à posséder un corps parfaitement transparent, alors j'ai une mauvaise nouvelle. Il est fort probable qu'une personne invisible soit également totalement aveugle. En effet, quelles que soient les structures employées par les organismes vivants pour percevoir la lumière, et je vous renvoie d'ailleurs à la roue libre 302 où je vous expliquais dans ma chronique comment le vivant voit les couleurs, que de nombreux yeux, entre guillemets, avaient évolué par convergence évolutive chez les animaux et aussi d'autres organismes comme des plantes, des organismes unicellulaires, et ces yeux doivent posséder une structure absorbant la lumière, qu'on nomme généralement la rétine, même si c'est pas une véritable rétine chez les plantes ou chez les organismes unicellulaires. Si la rétine était transparente pour les longueurs d'onde du spectre visible, bah là, cela signifierait donc qu'elle laisserait passer les photons sans absorption et elle ne peut pas générer une perception de ça. En d'autres termes, pour qu'un être humain invisible puisse voir, bah, il faudrait au moins qu'il possède des rétines qui nous paraîtraient comme deux structures opaques se baladant dans les airs. Ce serait un tout petit peu chelou, hein, on verrait des petits globes oculaires qui se baladent, et rien que ça. Ça, on n'a jamais vu dans les films sur les hommes invisibles, etc. Donc dans cette chronique, moi je vais vous faire une liste d'animaux dont tout ou partie du corps sont transparents. Et ben j'avoue que je ne pensais pas que j'allais commencer cette chronique tout bonnement en évoquant nos propres mirettes à nous pour commencer. Parce que de la même manière qu'un humain invisible, s'il veut voir, doit posséder des rétines opaques, il doit aussi avoir une partie des yeux qui sont parfaitement transparents pour qu'ils fonctionnent. Ces parties, ce sont le cristallin, la cornée, et on peut même rajouter à l'intérieur des yeux les humeurs vitrées et aqueuses de l'œil, c'est-à-dire les liquides essentiellement composés d'eau qui remplit l'essentiel de l'espace séparant les différentes structures de l'œil. Alors comment ces deux tissus peuvent-ils être transparents? À bien des égards, répondre à cette question nous permettra de mieux envisager par la suite la transparence de certains organismes entiers. Et bien pour la faire courte, la cornée et le cristallin sont transparents car ce sont des tissus dans lesquels on ne trouve pas de vaisseaux sanguins, tout d'abord, ou d'autres structures opaques, hein, comme des muscles, des nerfs, etc. Ensuite, parce qu'il y a pas mal d'eau à l'intérieur. Et ensuite, surtout, il y a des fibres de protéines dont la taille et l'arrangement confèrent des capacités de propagation de la lumière. Dans la cornée, ces fibres de protéines, ce sont des fibres de collagène enrichies en glycosaminoglycanes, alors que, par contre, 99% des protéines du cristallin sont des cristallines, c'est des petites protéines solubles dans l'eau et qui sont elles aussi transparentes. Donc sans rentrer dans des considérations compliquées d'indices de réfraction de la lumière et autres interférences destructives, sachez juste que la transparence de ces structures provient essentiellement de leur composition et de leur architecture nanoscopique. Parce que ces protéines ont des arrangements qui taquinent la taille de la longueur d'onde de la lumière, et du coup, elles sont à même de jouer avec cette lumière, et surtout de la laisser passer. Mais plongeons dans le vif du sujet, et par là même dans les océans, pour y chercher nos premiers exemples d'animaux transparents. La raison qui nous pousse à chercher d'abord dans l'eau, elle est assez simple en fait. On y lutte moins contre les variations de l'indice de réfraction que je vous citais tout à l'heure, de la lumière. L'indice de réfraction, en gros, c'est une déviation qui change la direction des rayons lumineux lorsqu'ils passent d'un milieu à un autre, comme par exemple l'air et l'eau. Les tissus des animaux ont des indices de réfraction plus proches de celui de l'eau que celui rencontré dans l'air. Donc on va tout d'abord maximiser nos chances de trouver un organisme transparent en les cherchant dans l'eau. Et pour cela, il faudrait trouver un animal en plus qui soit essentiellement composé d'eau. Et ça, bah, si vous en connaissez, généralement des animaux qui sont 90% formés d'eau, ce sont généralement des méduses. Pour le coup, l'aubaine vient non seulement du fait que ces animaux sont riches en eau, mais ils sont aussi dépourvus de systèmes vasculaires, par exemple, à proprement dit. Et dans cette catégorie, on peut aussi trouver de nombreux animaux transparents parmi les cténophores, comme la célèbre ceinture de Vénus. Je vous invite à regarder des images de ces animaux si vous ne les avez pas, ou de les regarder sur les notes de l'émission à la fin. Ou encore les salpes, c'est aussi d'autres animaux qui défraient souvent la chronique lorsqu'elles s'échouent sur les plages, notamment parce que ce sont des animaux coloniaux, et donc ça forme des sortes de grosses guirlandes d'animaux transparents très très bizarres, qui souvent font croire à des extraterrestres, enfin des extraterrestres marins. Dans la catégorie bien mou et transparent, nous pourrions aussi citer les chétognathes, qu'on surnomme aussi les vers sagittaires car ils ressemblent à des flèches, qui sont aussi pratiquement tous transparents. Il y a quelques céphalopodes, comme les calmars ou les pieuvres dits de verre. Il y a des concombres de mer translucides, ou encore des vers annelés quasi invisibles. En fait, là où ça se complique, c'est quand les animaux concernés possèdent une variété de tissus complexes, comme par exemple des crustacés, qui ont une cuticule, un exosquelette assez dense et compliqué, et aussi plein d'organes à l'intérieur, ou encore les vertébrés. Et pourtant, il existe bel et bien des exemples de langoustes ou de poissons transparents. Chez certains d'entre eux, il s'agit en réalité d'une phase de vie. Ainsi, les larves de langoustes palinurus, ou encore les larves dites leptocéphales de nombreuses anguilles et murènes, parviennent à un degré impressionnant de transparence, notamment parce qu'elles ont un corps particulièrement plat, mais vraiment très très plat. D'ailleurs, leptocéphale, lepto ça veut dire aplati, et céphale ça veut dire la tête, parce qu'ils ont une tête très très aplatie, et le reste du corps d'ailleurs, très très fin et aplati. Mais une fois adultes, bah, ces animaux sont généralement bien visibles. Les langoustes adultes et les anguilles et murènes, elles sont bien visibles avec des pigments, etc. Moi-même, je me suis récemment passionné pour les larves leptocéphales des anguilles, car elles ont longtemps rendu perplexes les naturalistes, qui les classaient volontiers comme des espèces de poissons à part entière, tellement elles ne ressemblent pas à leurs formes adultes. Et pour parvenir à leur transparence, elles ne possèdent qu'une fine couche de muscles, déjà, donc très très peu de muscles, recouvrant une grande poche mince remplie de glycosaminoglycanes, vous savez, c'est ce qu'on trouve aussi dans la cornée, et qui constitue une sorte de gelée transparente qui parcourt le long du corps de ces larves. Cette poche, elle joue aussi un rôle de réserve car son contenu va être transformé au cours de la métamorphose entre les larves et les adultes. Et pour la circulation sanguine, me demanderez-vous, eh bien, elle est présente, mais elle fait circuler un sang parfaitement transparent. Et pourquoi ? Bah parce qu'il est totalement dépourvu de globules rouges. On pense que sa respiration serait donc essentiellement effectuée par diffusion passive, facilitée par la faible épaisseur de son corps. Donc, la faible épaisseur du corps, elle permet à la fois d'être transparent, très peu de tissu, ça permet nécessairement d'avoir plus de transparence d'un corps. Si on prend un corps humain et qu'on l'aplatit pour le rendre à une épaisseur de 0,5 mm, vous allez voir, ce sera un corps transparent, il ne faut pas le faire. Hein. Et aussi, ça facilite les échanges gazeux. On peut peut-être juste revenir sur la notion de diffusion passive, justement. Diffusion passive, c'est le fait que ça rentre tout seul. Ouais. En gros, la diffusion passive, c'est... je l'expliquais d'ailleurs dans l'épisode avec Patrick Laurenti qu'on a fait il y a peu de temps sur des os, pas des os, sur lesquels on se posait des questions sur les organes respiratoires. La plupart des organes respiratoires sont très fins pour justement faciliter les passages des gaz du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Et ça se fait par une diffusion. C'est-à-dire que le gaz il traverse les membranes et c'est facilité quand plus la membrane elle est vraiment très très peu épaisse. Voilà. Mais en regardant les photos de ces exemples de larves, de vertébrés ou de crustacés, ce que je vous invite à faire en regardant encore une fois les notes de l'émission, vous ne manquerez pas de noter la présence des yeux de ces animaux. On les reconnaît, notamment il y a un peu la forme de la mâchoire, mais surtout c'est les yeux qui se braquent à nous, et du coup on se dit, bah voilà, on l'a bien dit, en évoquant l'homme invisible, impossible de voir sans être un peu vu. Mais est-ce vraiment systématiquement le cas? Eh bien, chez les larves de langouste palinurus, il y a déjà une petite astuce, c'est que les yeux sont disposés à l'extrémité de longs pédoncules, les éloignant le plus possible du corps. Alors qu'au contraire, les mirettes d'autres crustacés, qui sont aussi transparents et qui appartiennent au groupe Phronima ou Cystisoma, ces mirettes, elles sont très fines, avec des rétines compactes. Et bien pour ces deux exemples, l'idée est donc de limiter la visibilité de ces organes essentiels ou qu'ils évitent d'attirer l'attention sur le reste du corps. Mais il y a aussi un autre cas, ce sont des larves transparentes, des célèbres crevettes mantes, qui, elles, ont développé une autre astuce au cours de l'évolution. Elles naissent, en effet, transparentes, mais elles ont bel et bien des yeux à multiples facettes bien visibles. Mais ceux-ci, ils sont rehaussés d'une pigmentation particulière, comme si leur rétine, en fait, elle était recouverte de paillettes réfléchissantes. Et ça leur octroie une sorte de forme de camouflage, car ces paillettes peuvent réfléchir la lumière environnante. Et ça, c'est une forme de camouflage qui est très fréquente dans le milieu dit pélagique, en gros, qui n'est pas sur le fond marin ou le rivage, et qui correspond à la pleine mer. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des poissons que vous connaissez, si vous les regardez dans l'eau, eh bien, ils brillent. Et c'est tout simplement une forme de camouflage, parce que pour un prédateur, bah, il ne pourrait pas faire la distinction avec la lumière qui se reflète sur la surface de l'eau, ou directement dans l'eau. Parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, quand je vous parle de transparente, c'est bien une question de camouflage. Que ce soit pour éviter la prédation ou au contraire la favoriser, voire un mix des deux, la transparence offre l'avantage non négligeable d'offrir un camouflage adapté à n'importe quel paysage. Si vous êtes un camouflage qui vous fait magnifiquement ressembler à une feuille morte, etc., bah, vous pouvez que vous placer dans un endroit où il y a des feuilles mortes. Alors que si vous êtes transparent, bah, vous pouvez... Vous placez un peu sur n'importe quel milieu et vous serez, par transparence, complètement camouflé. Mais cette transparence pour offrir un camouflage ne se fait pas sans apporter son lot de désavantages. Prenez le régime alimentaire, par exemple. Si vous êtes transparent, bah, difficile de cacher la digestion de votre dernier gueuleton. Plusieurs solutions sont observées dans la nature. La première imite l'astuce des yeux des crustacés évoqués plus tôt, et vous trouverez alors des poules, par exemple, ou des calmars transparents dont le tube digestif est en forme d'aiguille effilée, et parfois même recouvert de pigments réfléchissants. Même astuce que pour les yeux. Et puis vous avez d'autres espèces, comme les larves leptocéphales, qui, elles, bah, tout simplement, semblent privilégier une alimentation transparente. Ainsi, il y a une étude des tubes digestifs de ces larves de poissons qui a montré qu'elles s'alimentent essentiellement de la neige marine. C'est une sorte de pluie ininterrompue de détritus organiques qui tombent de la surface de l'eau jusqu'au fond marin et dont une partie non négligeable est formée de structures transparentes. Il y a un autre souci de la transparence, c'est la protection contre le rayonnement mortel des ultraviolets, enfin des rayons ultraviolets. Certaines espèces marines transparentes peuvent s'en accommoder en vivant dans des profondeurs où le rayonnement ultraviolet pénètre moins. Mais pour celles qui restent à la surface, c'est une gageure. Tant et si bien que nombreuses sont espèces qui sont transparentes, le sont à la lumière visible, mais elles sont opaques aux ultraviolets. Donc elles ont des pigments qui les rendent opaques aux ultraviolets, qui absorbent les ultraviolets, mais pas le reste de la lumière. Au cours de l'évolution, bah, cela a amené à ce que de nombreuses espèces de prédateurs acquièrent la capacité de percevoir les UV pour mieux attraper leurs proies transparentes à la lumière visible. Attends, je comprends pas, parce que si elles sont intégralement transparentes aux UV, bah, les UV les traversent et il n'y a pas de souci. Oui, ça les traverse. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est que leur peau est transparente avec les UV, mais ça abîme les organes à l'intérieur, quoi, c'est ça. C'est ça, c'est exactement. Ouais. À partir du moment où tu as des cellules, si ça laisse passer les UV, bah, c'est pas bon. C'est pour ça que nous, on a des parties qui absorbent les UV sur notre peau. Et c'est pour ça que, les cancers déclarés par les UV, c'est pas des cancers de l'intestin, c'est des cancers de la peau, oui. Ouais, voilà. Alors après, tu as d'autres agents mutagènes qui peuvent créer des dégâts à l'intérieur, mais c'est pas les UV, en effet. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, donc, cette perception des UV, du rayonnement ultraviolet, ça permet justement cette réflexion des ultraviolets. Ça permet à certains prédateurs d'observer leur proie. Et il y en a d'autres qui ont acquis une autre capacité pour pouvoir détecter les proies transparentes, c'est de percevoir cette fois-ci la lumière polarisée qui permet de révéler la présence de proies qui sont normalement quasi invisibles autrement. Et donc, nous, on n'est pas sensible à cette lumière polarisée, mais dans l'eau, en fait, c'est très très très important. Et en fonction de l'angle incident de la lumière sur ces organismes-là, eh bien, il y a des prédateurs qui sont tout à fait capables de voir des proies et d'autres qui ont quand même, qui ont d'ailleurs totalement acquis un moyen de communiquer entre eux en contrôlant cette lumière polarisée. Et je citerai par exemple l'exemple de ces fameuses crevettes mante-pan qui sont capables de voir la lumière polarisée. C'est notamment parce qu'il est beaucoup plus difficile de se protéger contre les UV quand on est hors de l'eau que les exemples d'animaux terrestres transparents sont très rares. Et je vous rappelle qu'il y a aussi la fameuse différence d'indice de réfraction entre l'eau et l'air qui n'aide toujours pas à acquérir cette capacité de la transparence sur le milieu terrestre. Ceci étant dit, on est capable d'en dénicher quelques exemples dont certains tombent sous le sens. Il y a cet exemple, par exemple, d'escargot cavernicole Zospeum tollusum. C'est un petit gastéropode croate qui a été découvert dans un réseau de grottes atteignant la profondeur de 1392 mètres et où, bien entendu, aucune lumière n'est visible et encore moins des ultraviolets. Il est donc probable que la transparence de cet animal ne soit que le résultat d'une perte évolutive de la capacité à produire des pigments, phénomène qui est assez fréquent chez des animaux cavernicoles. Mais il existe des exemples d'animaux terrestres transparents et exposé à la lumière du soleil. Si ce n'est que pour tous les prochains exemples que je vais vous fournir à partir de maintenant, eh bien c'est seulement une partie du corps qui est transparente, de leur anatomie, et non son intégralité. En effet, ce serait merveilleux d'être parfaitement invisible pour la plupart de ces animaux terrestres, mais en fait on n'a pas d'exemple, hormis, et notamment on se dit parce qu'il y a ce fameux problème de l'indice de réfraction, mais surtout la sensibilité aux ultraviolets. Il y a par exemple un exemple assez classique, c'est celui des grenouilles de verre. Alors, elles appartiennent à la famille des centrolénidés, et chez qui il y a les pattes et la face ventrale du corps qui sont parfaitement transparentes, au point que l'on peut voir l'anatomie interne de ces amphibiens, de leur système digestif, respiratoire, ou encore leur cœur que l'on peut voir battre la chamade. Par contre, la partie dorsale de ces grenouilles sont verte-jaune. Et ça, la partie dorsale, elle est verte et jaune, et ça permet une forme de camouflage sur les feuilles d'arbres qu'elles occupent la plupart du temps. Alors pourquoi ne pas arborer une peau uniformément verte comme la plupart de leurs congénères ? Eh bien, une équipe de chercheurs a déterminé que cette transparence du ventre et des pattes conférerait un camouflage plus efficace en diminuant le contraste des contours de l'animal. Donc, en gommant les limites de son corps, la grenouille serait ainsi moins discernable pour ses prédateurs et pour ses proies. Ensuite, je vais vous citer des exemples, comme chez certains papillons, ceux de la famille des Itominii. Les ailes, qui d'ordinaire arborent une myriade de petites écailles colorées, sont ici partiellement ou complètement transparentes. Alors, si comme moi, vous pourriez avoir le même réflexe, vous dire, des ailes d'insectes transparents, c'est pas non plus incroyable. Vu que ce sont des organes de faible épaisseur, il est quand même fréquent de trouver des ailes translucides chez les libellules, chez les mouches ou les autres, ou chez des abeilles, par exemple. Mais en fait, la transparence des ailes de ces papillons est plus efficace car leur surface ne brille pas au soleil. Je vous invite encore une fois à regarder des images de ces magnifiques papillons, on les appelle les glass-winged butterflies en anglais. Et en fait, composés de millions de nanopiliers cireux, leurs ailes sont comme des verres de linette traités pour devenir non réfléchissants. Et enfin, il y a d'autres espèces de papillons, comme Cyculodes aurorula, qui ont des ailes qui sont globalement colorées, et d'ailleurs qui imitent parfaitement l'apparence de feuilles mortes, mais avec des sortes de fenêtres transparentes à l'intérieur de leurs ailes, au milieu, et celles-ci imiteraient alors les trous qu'arborent de nombreuses feuilles dans la végétation et augmenteraient l'efficacité de leur camouflage. En tout cas, une chose est claire et nette, la transparence, c'est plus facile à dire qu'à faire. Merci beaucoup Pierre pour cette chronique. Y a-t-il des questions ? Je vois qu'il y a eu une réaction, non pas dans la chatroom, mais dans notre conversation Skype, pour dire, je te cite, Eléa, les Alpes, c'est des chaînes de montagne. Cette blague n'était pas destinée à être publique. Je ne voudrais pas que les gens se rendent compte de la qualité de mon humour. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Merci c'est de trop m'avoir tard. Jeté sous les roues du camion, comme on dit. Moi, j'ai une question sur les animaux là, qui ont été trouvés au fond des grottes. Ouais. Qui, du coup, tu disais qu'ils avaient pas synthétisé ils synthétisaient plus de pigments, que c'était quelque chose. Et du coup, est-ce qu'ils sont aveugles et que, du coup, eux n'ont pas ce problème avec les yeux aussi, peut-être? Ouais, ils sont aveugles. En fait, la très grande majorité des animaux cavernicoles sont aveugles. Oui. Ce qui est normal vu qu'il n'y a pas de lumière. Alors. On a envie de dire, j'aimerais bien faire une émission là-dessus parce qu'il y a ce fameux réflexe, genre, il n'y a pas de lumière, bah c'est normal, ils vont être aveugles. Mais si c'était comme ça, l'évolution, ça s'expliquerait vraiment plus par l'hérédité des caractères acquis que par ce processus de sélection naturelle. Il faut qu'il y ait un avantage à perdre ses yeux et ou que véritablement il y ait suffisamment eu de générations avec une accumulation de mutations pour la formation des yeux qui soit pas délétère sur l'organisme. Donc oui, on s'attend que si des espèces se sont installées dans des cavernes depuis longtemps et que les yeux n'apportent plus de caractéristiques on va dire d'avantage sélectif, oui, il est probable qu'ils disparaissent. Mais c'est pas pour autant que, par exemple, dans les abysses où il y a que dalle de lumière du soleil, il n'y ait pas énormément d'organismes qui ont des yeux, parce qu'ils ont inventé de la bioluminescence pour justement s'accommoder à la possibilité de voir d'autres organismes. Donc ce réflexe, alors, pas de lumière, et ben pas d'yeux, faut s'y méfier. Et il y a notamment un organisme qui est très très important en Evo-Devo, qui est un poisson cavernicole et dont on a démontré, en tout cas on pense avoir démontré, apporté beaucoup d'arguments, que la perte des yeux chez ces animaux-là, en fait, c'est pas du tout un processus qui permet d'économiser de l'énergie, par exemple, ou c'est vraiment quelque chose qui est coûteux en termes d'énergie pendant la mise en place des yeux au cours du développement. Et pourtant qui a été sélectionné chez ces poissons-là, et on pense parce que en fait la perte des yeux, le mécanisme qui permet de faire disparaître les yeux chez ces poissons-là, favorise en même temps l'apparition de comment on appelle ça, de papilles gustatives surnuméraires. Et c'est ça l'avantage qui aurait été sélectionné pour permettre justement la perte des yeux. En fait, ce serait une sorte de conséquences en gros fortuites de quelque chose qui vraiment apporte un avantage sélectif dans les cavernes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un avantage cérébral aussi à avoir un sens de moins, parce que ça prend de la place les yeux dans le cerveau, enfin la vision ça prend de la place dans le cerveau. On pourrait imaginer que si tu pour la même taille de cavité cérébrale tu gagnes de la place pour autre chose quoi. Alors là pour le coup il faudrait vraiment que je prépare cette émission, mais je crois que là ça tient plus de la plasticité cérébrale pour ces poissons là. D'accord. Et que les régions qui normalement sont dédiées à la vision sont sollicités par d'autres sens, donc l'organisme s'y retrouve de toute façon. Comme avec un aveugle humain réutilise, qui a les parties pour la vision, mais qui ne s'en sert pas. Quoi. Ouais. Donc ça vient de notre biais d'imaginer que le cerveau a des régions très très très très constrites à une seule tâche, et en fait c'est pas exactement le cas. On a un cerveau plastique qui permet de s'adapter à d'autres choses, et pas, en gros on n'a pas un cerveau avec une région, la vision. Une région, maintenant, on a un cerveau avec une région qui, bon, bah, là, il s'avère que c'est pour la vision. Si t'as des yeux, ça fait la vision. Et si t'en as pas, bah, ça fera autre chose. Okay. Probablement. Alors, une anecdote complètement débile, mais quand j'ai commencé la biologie et que j'étais pas encore très forte à ça, je me demandais vraiment sérieusement pourquoi il y avait pas de plantes transparentes. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était pas possible, puisque la plante, elle avait besoin d'absorber la lumière, justement, et que du coup, bah, il y avait autre chose, donc des pigments qui permettaient d'absorber l'énergie lumineuse et qu'elle pouvait pas être transparente. La seule qui devient transparente un peu, c'est la fameuse fleur squelette, là, Diphleia grei, elle s'appelle, dont on ne sait toujours pas, je crois, pourquoi elle devient transparente au contact de l'eau quand il pleut. Par contre, des physiciens l'étudient pour éventuellement avoir des pistes de conception de matériaux qui deviendraient plus ou moins transparents en fonction de la météo. D'accord. Moi, je pensais, j'étais persuadé que ça allait être ça, ta chronique. Mais du coup, ça me fait. Elle non, a réussi non, à le placer comme ça, elle a fait deux chroniques en une. Très joli, très joli. Bravo. Voilà, et Cléora a mis une image dans les notes d'émission instantanément, en même temps, parce qu'il est trop fort. Il est bien, merveilleux, ce moment. S'il n'y a plus de questions, parce que je n'en vois pas dans la chatroom, je pense qu'on peut passer justement à la chronique de Cléora. Ok. Alors moi, j'ai parlé des humains. Bon, ils sont pas trop transparents. Mais pourtant, ils se pensent plus transparents qu'on ne le croit. Pas physiquement, hein, mais dans nos interactions et nos communications, en fait. On a tendance à se croire très compréhensible et transparent dans nos propos, alors que finalement, c'est loin d'être le cas. On a tendance à croire que l'autre puisse facilement nous comprendre. On a tendance à surestimer la capacité qu'ont les autres de percevoir nos états mentaux, nos pensées, nos émotions. On appelle cela l'illusion de transparence. Si ce n'est pas assez clair et transparent pour vous, l'illusion de transparence est, dit grossièrement, se croire être compréhensible tel un livre ouvert. Que les autres puissent nous voir tel qu'on se comprend soi-même, qu'ils puissent même lire nos pensées à l'extrême. Donc, la référence de cette illusion, l'illusion de transparence, vient d'un psychologue américain qui a popularisé ce biais cognitif-là, qui est assez connu d'ailleurs, c'est dans les biais cognitifs, un certain psychologue américain, Thomas G. Gilovich. Alors, dans son premier papier sur le sujet en 1998, il met en évidence l'illusion de transparence par plusieurs petites expériences, petites simples expériences. Et parmi celles-ci, donc, je vais juste en citer une par exemple, pour illustrer. L'une est autour de la capacité à cacher ses émotions. Donc, à masquer son dégoût. Donc, pour expliquer l'expérience, chaque participant passe un à un devant une caméra pour goûter des boissons. Certaines sont agréables, comme de la grenadine, par exemple, et d'autres sont désagréables, genre on y rajoute du vinaigre assez fortement ou quoi que ce soit. Et tout le but des participants est de cacher le plus possible leur dégoût, pour qu'on ne puisse pas savoir s'il est en train de boire une boisson agréable ou non. Ensuite, on demande d'un côté aux participants d'évaluer sa capacité à cacher ses émotions, donc lui-même s'il peut cacher ses émotions ou bien mentir, en gros, si finalement le dégoût était forcément lisible pour lui sur son visage ou pas. Donc ça, il le cote. Et de l'autre côté, on demande à des observateurs qui regardent après, donc d'évaluer les réactions de ce même participant pour savoir si la boisson qu'il boit est agréable ou non. Donc résultat, eh bien, on a tendance à surestimer la capacité qu'ont les observateurs à lire nos propres réactions et nos propres émotions. C'est-à-dire que les participants se croyaient très mauvais pour cacher leur dégoût, à mentir en gros, alors que finalement, en réalité, peu d'observateurs réussissaient à les discerner. Et bien tout ça, ça s'appelle l'illusion de transparence. Donc si vous voulez des chiffres, hein, dans leur expérience, les participants estimaient qu'en moyenne 5 observateurs sur 10 pourraient identifier quelle boisson ils venaient de boire, si c'était une boisson agréable ou pas, malgré d'avoir tenté de cacher ses émotions, alors qu'en réalité, seuls un peu plus de 3 en moyenne y arrivaient, réellement. Donc je sais pas si c'est clair, si le concept c'est pas encore transparent pour vous, je vais encore rajouter une couche, hein, une couche. On a tendance à croire qu'on laisse paraître des émotions et que les gens puissent les lire rapidement, que nos émotions, voire nos pensées, puissent être lues rapidement, alors qu'en vérité, notre visage est en total poker face, en gros. Un visage neutre, sans émotion, livide de tout ce que on peut vivre dans notre tête, dans notre état interne. Dit plus joliment, l'illusion de transparence, c'est l'écart entre l'expérience subjective interne et ce que les autres perçoivent réellement. D'autres parlent aussi de surestimation de transparence ou de biais d'amplification du signal, comme si on pensait que notre corps était un haut-parleur de nos pensées, alors qu'en fait, c'est pas trop le cas. Donc en gros, l'illusion de transparence, c'est la série Lie to Me, si vous connaissez, mais à l'inverse. Alors, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que je reformule en transposant à ma vie personnelle, est-ce que c'est le fait de donner un oral ou une présentation ou une conférence en étant super super super flippé et en faisant pipi dans ta culotte et tous les autres à la fin te disent waouh, t'as trop géré, t'avais l'air trop sûr de toi, c'est ça? Bah c'est exactement ça. Je vais en parler un peu après. Attends, non mais tu as dit expérience personnelle. Donc ça veut dire que tu t'es fait une fois de pipi dans la culotte en conférence. Ah. Donc toutes ces notions étudiées en sciences de la communication et plus particulièrement en psychologie sociale, selon le psychologue Thomas Gilovich, l'illusion de transparence, donc ce qu'on a un peu expliqué jusque-là, expliquerait même en partie le très célèbre effet spectateur, très connu en psychologie sociale. Donc l'effet spectateur, si vous ne connaissez pas, c'est le fait de ne pas agir à une urgence lorsqu'il y a beaucoup de témoins autour. Donc prenons un exemple pour illustrer. Disons que Eléa se fait manger par une plante. Certainement parce qu'elle a bon goût, j'en sais rien. Eh bien, si je suis seul avec elle dans un laboratoire, je vais l'aider immédiatement pour ne pas qu'elle fusionne avec la plante, ou parce qu'on a encore un peu besoin d'elle tous les jours. En revanche, si Eléa se fait manger par une plante en plein milieu de Strasbourg avec plein de monde autour, il est beaucoup moins probable que moi-même, ma petite personne, vienne l'aider. En gros, je vais me dire, bah, pourquoi ça soit moi qui vienne l'aider? Je suis pas médecin, ou il y a bien quelqu'un de plus compétent autour. Ou encore, je vais me dire, a priori, ça a pas l'air si grave, puisque, ou alors c'est pas l'air si urgent, parce que autour, personne réagit. Et donc, moi-même, je vais pas réagir pour l'aider. Ça, c'est l'effet spectateur. La présence d'autres personnes réduit les probabilités qu'une personne agisse, ou vienne en aide à quelqu'un, par exemple. Et bah, selon Thomas Gilovich, cet effet spectateur serait potentiellement expliqué par cette illusion de transparence. Quand je vois Eléa se faire manger par une plante, je regarde la réaction des gens autour de moi, s'ils sont horrifiés ou pas. Si selon moi, je ne vois pas la personne qui est horrifiée, alors moi-même, je ne dois pas l'être. Après tout, c'est peut-être un spectacle, et je vais me trouver comme un con à aider la personne en danger alors que c'est pour de faux. Vous comprenez l'idée ? Alors c'est très méchant de ne pas me venir en aide, déjà, dans n'importe quelle circonstance. Tu vas fusionner avec la plante. Et alors, c'est un peu contre-intuitif. J'aurais eu tendance à me dire que, et je transpose aux scènes d'agression de rue, j'ai tendance à me dire que s'il y a beaucoup de personnes qui sont très très choquées par le fait de voir quelqu'un se faire agresser dans la rue, comme ils sont plusieurs, ils vont avoir moins de risques à aller venir en aide. Alors, si tout le monde est choqué et que ça se voit réellement sur leur visage, oui. Mais ce qu'on montre là, ce que je dis là, justement, c'est que toutes les personnes regardent chaque personne, et comme ils voient qu'ils sont pas trop horrifiés, bah, eux vont pas trop être horrifiés. C'est vraiment l'illusion de transparence qui s'applique là. Donc on gagnerait tous à être plus expressifs. Ouais, carrément. Enfin, sauf quand tu fais des conférences et que tu te fais pipi dessus. Voilà. Encore une fois, c'était métaphorique. Et du coup, je vais en parler, du coup, de se faire pipi dessus au niveau de la scène. Ça, c'est une autre notion proche que l'on appelle l'effet projecteur. Donc, ça a un autre biais socio-cognitif. L'effet projecteur, donc, est grossièrement la croyance d'être davantage le centre du monde que ce que l'on est réellement. Donc, pour l'illustrer, hein, je vais reprendre l'exemple. Hein. Imaginez que vous allez présenter un oral devant des centaines et des centaines de personnes seules sur une scène. Eh bien, si vous êtes stressé, on a tendance à surestimer sa visibilité. Donc, les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent, la voix qui vacille ou les moins mouettes, enfin, etc., quoi. Bah, tout ça, on a tendance à exagérer que ça ressort réellement du point de vue des autres et que tout le monde puisse le voir exactement comme nous on le ressent. Ça, c'est l'effet projecteur. Nous seuls sur scène, on ressent énormément le stress, mais ça ne veut pas dire qu'il est énormément visible par les autres. Ça, selon beaucoup d'auteurs, donc en psychologie sociale et psychologie cognitive, l'effet spectateur et l'illusion de transparence sont similaires. Car en effet, les deux biais cognitifs prennent l'expérience subjective vécue comme une réalité perçue par les autres. Comme si on était un livre ouvert. Or, certains auteurs, ici j'ai pris un exemple d'un papier de 2017 de Brown et Stoppaz, ces deux biais cognitifs pourraient être différenciés, je vais rester au conditionnel, parce que c'est qu'un papier parmi d'autres. Alors que l'effet projecteur varierait beaucoup en fonction des conditions sociales, du contexte, l'illusion de transparence ne varierait pas. Donc, pour en arriver à cette conclusion, les auteurs ont fait passer un test de mémoire à une centaine d'étudiants devant une caméra, devant un évaluateur seul. Donc pour ceux qui passaient le test de mémoire devant une caméra, on leur disait qu'ils seraient ensuite évalués par des experts. Donc dans cette condition, il y a une sorte de forte pression sociale, comme si on était seul sur scène devant des centaines et des centaines de personnes. Alors que dans l'autre condition, on est en face juste d'un seul évaluateur qui observe le déroulement du test de mémoire qu'on est en train de passer, que l'étudiant est en train de passer. Donc l'étudiant se sent moins oppressé par le contexte. Eh ben, ce que ces auteurs observent, selon leur méthode de cotation et de recherche, c'est qu'en condition de forte pression sociale, devant une caméra et des experts, après qu'ils vont étudier, les étudiants ressentaient un fort effet projecteur, avec une plus grande autocritique sur ses propres performances, comparé à la condition d'un évaluateur seul. Donc clairement, C'est ce qu'on sait déjà scientifiquement, ça, c'est ce qu'on a déjà prouvé, c'est ce qui était déjà attendu, c'est ce qu'on a déjà démontré. C'est que si on est seul sur scène devant des centaines de gens, on ressent énormément un truc et on pense que les autres le perçoivent de la même manière. Mais ce qui est nouveau dans cette expérience, c'est que, contrairement à l'effet spectateur, l'évaluation de l'illusion de la transparence par les participants ne change pas quelle que soit la condition, quel que soit le contexte social. Donc, que ce soit devant un public énorme, une caméra avec de plein de personnes derrière, ou seulement un évaluateur. Ainsi, selon ces auteurs, l'effet projecteur varierait beaucoup en fonction des conditions sociales, du contexte, contrairement à l'illusion de transparence. Dit autrement, l'illusion de transparence serait un biais purement cognitif, comme si on était codé et programmé dans le cerveau comme ça, toujours présent et identique quel que soit le contexte, alors que l'effet projecteur est un biais socio-cognitif, où les conditions extérieures et sociales jouent énormément. Bon, après, comme je leur dis, c'est une étude qui date de 2017 et j'ai pas eu le temps de trouver l'article plus récent reprenant tout ça. Donc ça, c'est une interprétation sur ce papier isolé. Alors, je pense avoir pigé instinctivement la différence entre un effet socio-cognitif et cognitif seulement, mais je veux bien que tu me résumes ça pour voir si je suis sur la bonne piste. En gros, socio-cognitif, ça veut dire qu'il y a nécessairement un élément dans lequel les relations... un effet socio-cognitif ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas... Ne pourrait pas exister s'il n'y a pas d'effet du contexte. C'est ça, ouais. Alors que l'illusion de transparence, la personne pourrait le sentir même s'il était isolé. C'est ce isolé, que montrent ces chercheurs-là. C'est que peu importe le contexte, si on est devant plusieurs milliers de personnes ou d'une seule personne, l'illusion de transparence est toujours de la même intensité, en fait. Et c'est l'effet de projecteur qui est plus intense avec un contexte social beaucoup plus puissant, une forte pression sociale. En psychologie cognitive, on parle à place de parler de biais cognitif, on parle d'heuristique aussi. C'est quelque chose qui est vraiment interne, qui est comme programmé dans notre cerveau, et pas quelque chose qui est lié au contexte ou socialement. Donc, le contexte social n'influencerait donc pas le biais cognitif qui est l'illusion de transparence. En tout cas, enfin, ça reste discuté par rapport à ce papier-là. On sait aussi que la motivation ne change rien, que ce soit pour convaincre, mentir ou garder des informations secrètes, comme dans l'expérience du dégoût, que j'ai évoqué plus tôt. Ou en gros, on s'en pense mauvais menteur, alors qu'en tout cas, enfin, qu'en réalité, on est tous très bons à ça, sans trop vraiment le vouloir, en gros. Seul un facteur semble accentuer l'illusion de transparence, parmi le contexte social, la motivation, etc. C'est l'intensité de concentration sur soi. Bon, c'est dit un peu bizarrement, mais dit autrement, c'est l'intensité de se regarder le nombril, que ce soit pour un groupe ou une personne. Plus on est focus sur soi-même, sur son petit monde intérieur, plus on se croit clair et transparent quand on parle à quelqu'un d'autre qui n'y est pas initié, en gros. Ça, c'est le seul facteur qu'on arrive à voir scientifiquement qui change un peu l'intensité de l'illusion de transparence. Je peux déjà voir les dérives de ce biais cognitif. Donc après, je me suis posé la question, pourquoi un tel biais existait ? Pourquoi l'illusion de transparence existerait finalement ? Existe chez tout le monde, comme si on avait gardé finalement un programme peut-être défectueux depuis des millions d'années d'évolution, enfin on sait rien. Donc une réponse serait juste pour son propre bien-être personnel, en ayant l'impression d'être compris, même si c'est faux, que je ne vis et que je ne parle pas dans le vide, parce que je ressens moi-même que je me sens compris, en gros. Ça, c'est une des explications. Néanmoins aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois, cette illusion de transparence n'est pas que positive, pour un bien-être personnel, par exemple. Comme on l'a vu avec l'effet spectateur, où Eléa se fait manger par une plante, ou son presque équivalent effet projecteur, où on est tout seul, stressé, devant une scène de plusieurs centaines de personnes. En effet, l'illusion de transparence peut être source d'anxiété, ou encore source de conflits et de quiproquos. Bah oui, je rappelle, l'illusion de transparence, c'est croire que l'autre a tout compris de ce que je viens de dire. Si on pense que la personne a tout compris, on peut davantage réagir de manière colérique si deux jours plus tard, elle revient et on se rend compte que la personne a compris tout de travers. Autre exemple, si je suis en couple avec une personne depuis des années, je vais supposer qu'elle me connaît très bien. Et donc, à la moindre petite habitude qui change, que je change ou à une manière de réagir différemment que je change, ma moitié, l'autre personne, devrait immédiatement le percevoir, non ? Sauf que ça, c'est encore l'illusion de transparence. Un biais cognitif qui peut être source de conflit dans un couple, donc. Aussi proche que deux personnes soient ensemble, jamais l'une et l'autre réussiront à lire dans les pensées ou ressentir exactement ce que l'autre sent. Le croire est illusoire. Comment on peut alors imaginer ce que pense l'autre ? Eh bien tout ça, tout ceci fait partie d'un grand domaine de la psychologie autour d'un concept incontournable de la théorie de l'esprit. Un concept développé depuis les années 80. Donc la théorie de l'esprit, c'est la capacité à attribuer des états mentaux à autrui afin de prédire, et expliquer les comportements de l'autre. En gros, la théorie de l'esprit est appelée ainsi car c'est comme si chacun de nous faisait des inférences, des petites théories sur ce que pense l'autre, sur ce que pourrait penser l'autre, parce qu'on n'arrive pas à lire les pensées de l'autre. Donc on fait des petites théories, des petites inférences, des petites hypothèses. Si monsieur machin enlève sa veste dans une salle, c'est peut-être qu'il a chaud. Si madame machin grince des dents, c'est peut-être quelque chose de la stress sur laquelle elle rumine. Bref, on fait des petites hypothèses à chaque fois sur des comportements ou de ce qu'on voit de la personne. La théorie de l'esprit, c'est donner des états mentaux à une personne ou à un animal ou tout être vivant ou même un objet d'ailleurs. Dans Toy Story, il est vite arrivé qu'un jouet devienne capable de penser. Bref, la théorie de l'esprit est un concept majeur dans le développement cognitif d'un enfant. Donc on l'étudie beaucoup en psychologie du développement, en psychologie sociale, en psychologie cognitive. Attribuer des états mentaux aux autres personnes nous permet à la fois de décoder et prédire leur comportement par des petites hypothèses, des petites inférences, mais aussi d'adapter le nôtre, ce qui fait de la théorie de l'esprit une compétence capitale pour le bon déroulement des interactions sociales. Moi, j'ai fait usage de la théorie de l'esprit il n'y a pas longtemps parce que j'ai pas fait exprès, mais j'ai fait tomber une de mes peluches par la fenêtre. Et du coup, je me suis excusé après. T'as donné des états mentaux. Elle est tombée du sixième étage. Oui, après, je lui ai dit qu'elle a fait une super aventure. C'est brillant. Oui, Space Jump. Non, c'est celle qui sert de coussin à Élise. Mais bon, on l'aime beaucoup, elle s'appelle Babo, c'est un ugly doll, il a deux dents comme ça, complètement con. Et on l'a depuis des années, très pratique. Donc, je ne sais pas s'il y a des remarques dans la chatroom, sinon je vais conclure ma petite truc, ma petite chronique. Ah non, mais tout le monde est hyper sage, hein. Je pense que tu peux y aller. Pour conclure, donc, c'est l'illusion de transparence. Donc, selon certaines explications, ce biais cognitif existe car on a tendance à oublier que nous avons un accès privilégié à nos états intérieurs. Nos états mentaux, nos pensées, nos émotions, ce qu'on appelle nos états intérieurs, au point qu'on se croit comme un livre ouvert pour les autres. En fait, on est tellement habitué d'avoir en permanence quelque chose de transparent par rapport à nos états internes, qu'on pense que les autres, ils les voient également comme un livre ouvert. On surestime alors d'une part notre capacité à exprimer nos états intérieurs, mais aussi d'autre part, on surestime la capacité qu'ont les autres de percevoir ces mêmes états internes. Nous sommes donc loin d'être transparents, donc physiquement, sauf pour certaines particules, hein, les neutrinos ou un truc comme ça, mais aussi psychiquement. Nos états internes ne se lisent pas comme dans un livre ouvert. Nous ne sommes pas transparents à autrui. Reste à savoir si on est transparent à soi-même. Ah oui, l'idée de l'illusion de transparence est qu'on se comprenne soi-même à 100% et qu'on ait plus de difficultés perçues de s'exprimer aux autres, en fait. Mais finalement, est-ce qu'on se comprend aussi soi-même 100% déjà ? Sauriez-vous à chaque moment pourquoi vous êtes stressé, par exemple ? Sauriez-vous à chaque moment pourquoi vous avez réagi de telle ou telle manière, de telle ou telle façon ? Et c'est sur cette ouverture que je termine ma chronique. On est peu transparent à autrui, mais est-ce qu'on est aussi transparent à soi-même ? Moi, je pense que oui, parce qu'à chaque fois, c'est parce que j'ai faim. Et toutes tes pensées, c'est parce que tu as faim. C'est très facile à comprendre. Je pense qu'il n'y aurait pas besoin de psy. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Oui, c'est ça. Ah, c'est le mec, il rameute à sa discipline après. Bravo. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des... j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce qu'il y a des variations chez les gens sur cet effet ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une plus ou moins grande impression de transparence, ou alors des gens qui, pour le coup, ont totalement, n'ont pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être totalement opaque. C'est quoi le contraire de transparent? Opaque. Opaque. Ils ont l'impression d'être totalement opaque aux gens. On n'en sait rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est que l'anxiété sociale, ça accentue. Donc il y a des variations quand même, du coup, ça veut dire. Donc plus t'es anxieux, plus t'as l'impression d'être transparent. Exactement, c'est ça. Et donc plus t'es en colère, que les gens voient pas que t'es anxieux. On peut dire ça aussi. On va dire que plus tu es stressé, que la moindre petit truc qui dépasse de ton corps, le moindre petit mouvement, le petit tremblement d'un index, tu vas penser que l'autre, il va le voir directement, en fait. Ouais. D'accord. C'est bien, parce que quand c'est toi qui expliques les sciences humaines comme ça, je comprends. Merci. Eh bien, ça va nous faire ça va nous faire cogiter tout ça. Vous serez dorénavant plus transparent avec vos états d'âme. Et puis vos situations de couple aussi, peut-être ça va vous faire comprendre des choses, on ne sait jamais. Voilà, Cléora, sauveur de couple depuis 2022. Et pour continuer cet épisode, c'est moi qui vais faire la dernière chronique, un peu plus terre-à-terre, je vous avoue, hein, puisque le thème de cette émission tombait à point, j'avais décidé en début d'année de désormais faire des chroniques alcooliques à chaque émission Roue Libre. On a vu ce que ça a donné. Pour l'instant, je n'ai traité que l'absinthe que vous pouvez retrouver dans l'épisode vert, numéro 457. Et comme aujourd'hui, c'est transparent, je voulais d'abord vous parler de la vodka, cette boisson titrée à plus de 40 degrés d'alcool, issue de la fermentation de certaines céréales comme le seigle, le blé ou encore la pomme de terre. Du coup, comme il s'agit de l'alcool national de la Russie et de l'Ukraine, j'ai décidé de boycotter provisoirement le sujet parce qu'on parle assez de ces deux pays en ce moment et pas pour les raisons les plus réjouissantes. Mon dévolu s'est donc jeté sur le gin, que l'on boit dans le célèbre cocktail nommé le gin tonic. J'ai donc appelé cette chronique la gin chronique, parce que je suis quelqu'un de très très inspiré. Alors pour faire du gin tonic, on a besoin de deux ingrédients. À votre avis, un verre. Effectivement. Un verre. J'avais oublié le verre, mais principalement du gin et du tonic. Et si vous ne connaissez pas, pas de panique. SOS alcoolisme en renfort. Donc vous allez voir que sous ces boissons rafraîchissantes, chic, fortes en arômes, se cache de quoi peupler tout un jardin botanique. Alors parlons d'abord du gin et de l'origine du gin. Si on remonte au cours de l'histoire, les boissons alcoolisées avec des plantes dedans, parce que c'est de cela dont il s'agit, hein, trouvent ses racines dans le bassin méditerranéen, la médecine antique grecque, puis arabe. Si on revient dans les pharmacopées traditionnelles, on trouve toutes sortes de recettes de macération de plantes aromatiques dans de l'alcool ou du vinaigre. Ça commence par exemple avec des recettes très célèbres, comme le dictame de Crète trempé dans le vin, dans une recette qu'on appelle alors le vin d'Hippocrate, par exemple. Puis on retrouve des techniques de distillation de plus en plus sophistiquées qui vont nous permettre d'entraîner des arômes dans de l'alcool ou de l'eau. C'est d'ailleurs grâce à cette méthode qu'on produit les huiles essentielles. Et une méthode avec laquelle on extrait de l'alcool et avec laquelle on le concentre. Plus volatile que l'eau, il se sépare en premier lorsqu'on chauffe, donc c'est très pratique pour l'extraire d'une préparation fermentée. Alors, petit aparté sur les huiles essentielles, au cas où vous ne le savez pas, une huile essentielle, ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment fabriqué artificiellement d'un produit à base de plantes, mais c'est un mélange de substances souvent aromatiques et volatiles qui sont produites naturellement par la plante. En général, elles ont d'ailleurs une fonction biologique. Une huile essentielle, ça peut être un composé de défense contre les pathogènes, ou alors ça peut être quelque chose pour attirer des pollinisateurs. Mais quand on fabrique l'huile essentielle, je dis fabriquer entre guillemets, nous nous contentons en fait de concentrer ce mélange de substances en l'entraînant grâce à de la vapeur d'eau. Voilà. Comme ça ne se sépare pas, ça ne se mélange pas avec l'eau, eh bien on va pouvoir retrouver la phase d'huile essentielle au-dessus de l'eau et donc la séparer. Donc il faut plusieurs tonnes de plantes pour avoir quelques petits litres d'huile essentielle, donc c'est vraiment un processus long et fastidieux, mais à la base, c'est les plantes qui produisent ces substances. Alors, je reviens au gin. Donc le gin, c'est de l'alcool dans lequel on fait macérer des baies de genévrier. C'est la saveur dominante du gin. Les baies de genévrier, dont le nom scientifique est Juniperus communis. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on parle souvent de baies, Mais qu'est-ce que c'est qu'une baie ? La définition officielle d'une baie, en botanique, c'est un fruit charnu, c'est-à-dire qui a de la chair, indéhissant, ça c'est un mot qui veut dire que ça ne s'ouvre pas tout seul pour libérer des graines, et qui contient plusieurs graines à l'intérieur qu'on appelle communément les pépins. C'est le cas de la tomate, par exemple. Oui, la tomate est une baie, donc un fruit. C'est le cas de l'orange, qui est une baie aussi, ainsi que l'aubergine, au même titre que la myrtille. Ça vous embouche à quoi, hein? C'est quoi une baie? Tu veux que je réexplique ce qu'est une baie? C'est quoi le mot que tu as utilisé pour dire qu'elle ne s'ouvre pas toute seule? Indéhissant. C'est beau, hein. Indéhissant. Mais indéhissant. Indécent, mais... Voilà, donc ça fait gagner des points au Scrabble, mais c'est pas très utile, à part si on est un botaniste. On nous a fait se mentir. Ce qui vous aura peut-être fait tilter en réfléchissant du coup à qu'est-ce que c'est qu'une baie et l'allure que peut avoir un genévrier, ça ressemble plus à un sapin buissonnant qu'à un plant de tomate. Et en effet, cette plante fait partie de la famille des cupressacées, une famille qui est vraisemblablement plus proche des sapins que de la tomate, et donc ce qui a l'air d'être un fruit est donc en réalité un cône qui a l'aspect d'une baie. Et cette baie, elle mature en 2 ans, et sur chaque buisson, il faut donc collecter plusieurs fois par an les baies, puisqu'elles ne maturent pas au même moment. Donc c'est très fastidieux de récolter les baies, entre guillemets, de genévrier. Alors, c'est... Donc, juste pour récapituler, si j'ai bien compris, ça veut dire que les baies, c'est issu de la convergence évolutive. C'est-à-dire que plein de fois, dans l'histoire évolutive des plantes, il y a des alors non, ça, c'est nouvelles juste manières de créer baie des baies. Parce que ça ressemble vraiment à une baie. C'est-à-dire que c'est une petite boule comme ça, et qu'on ne voit pas vraiment que c'est un cône, mais en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, le fait d'utiliser baie est erroné dans notre appellation. Ok, donc c'est des pommes de pin en forme de myrtille, en gros. Ah d'accord, ok. C'est ça, c'est des pommes de pin en forme de myrtille. D'ailleurs, pomme, c'est aussi un peu confusant quand on parle de sapin. Ouais. Voilà, cône de pin. Cône de pin, on va dire cône de pin. Alors ça pousse dans le bassin méditerranéen, mais aussi en Angleterre, dans les pays européens, etc. Plutôt dans des zones rocailleuses, montagneuses, un peu sèches. Donc on en trouve à plusieurs endroits. Après, c'est une famille botanique dans laquelle il y a plusieurs espèces, mais celui qui est utilisé pour faire le gin, c'est Juniperus communis, principalement. Donc dans ces pseudo-baies, entre guillemets, on voit des composés qu'on dit aromatiques, donc qui font des cycles chimiques comme ça, qui sont plutôt odorants. On peut retrouver des mots comme l'alpha-pinène, qui donne un petit côté résineux, l'arôme de sapin. On trouve le myrcène, que l'on retrouve dans les arômes de cannabis ou de thym. Et on trouve aussi un peu de limonène, qui donne un petit goût citronné. Donc, pour qu'une boisson alcoolisée puisse être qualifiée de gin, il faut que ces cônes représentent la majorité de l'arôme. Alors, certains disent que la première boisson à base de baies de genévrier macérée dans un mélange d'alcool et d'eau, ça aurait été réalisé en Hollande. Et on attribuerait cette opération précisément à un médecin néerlandais, Frans de Leboe, je ne sais pas comment ça se prononce, aussi surnommé Franciscus Silvius. On ne le connaît pas trop, mais ce serait le fondateur du premier labo de chimie européen tout de même, donc c'est pas rien. Et cette préparation était originellement donnée comme antidote contre la fièvre par les Néerlandais lors de leur voyage dans les Antilles. D'autres sources assurent que l'on consommait déjà le gin en Hollande, et pas que pour de la médecine, si vous voyez ce que je veux dire, au XVIe siècle, au début de leur guerre avec l'Espagne. Les soldats anglais qui sont partis servir en Hollande pour aider justement au XVIIe siècle à la guerre en Espagne, à l'époque d'Elisabeth Ière, auraient testé cette boisson pour se donner du courage et auraient ainsi ramené cette habitude de consommation à leurs camarades britanniques. Et donc à partir du XVIIIe siècle, le gin avait déjà conquis la classe ouvrière en Angleterre et concurrençait la bière en tant que boisson la plus populaire. Le gin avait en effet l'avantage de pouvoir être produit localement grâce au surplus de production de grains des récoltes et non pas importé comme le vin. Donc je rappelle que l'alcool qu'on utilise pour faire macérer les baies de gin peut venir de grains de céréales et qui sont fermentés pour en extraire l'alcool. Le vin, lui, devait être importé de régions où il faisait beau et chaud, donc ça venait de loin et c'était plus cher. L'État et le Parlement ont à cette époque soutenu la création de distilleries locales, personnelles, ce qui a fait baisser considérablement le prix auquel on vendait le gin, au point qu'il devint moins cher que la bière. Et les historiens désignent cette période comme la folie du gin, en anglais ils appellent ça la gin craze. Alors, que se passe-t-il quand on peut faire commerce d'une substance pas chère et très très très alcoolisée ? Eh bien, on en fait tout un business, et les mauvaises distillations se font rapidement légion à cette époque-là, avec des intoxications au méthanol, des contaminants de toutes sortes, puisque les gens distillaient mal leur alcool, ce qui contribuait d'ailleurs à la mauvaise réputation de Londres comme une ville de voyous, d'ivrognes et de débauchés. On a toujours cette image de la Londres industrielle très sombre, avec beaucoup de criminalité, et c'est en partie dû à la surconsommation d'alcool, dont de gin. Donc l'État a dû rapidement légiférer pour enrayer cette dynamique en rajoutant à nouveau des taxes et des sanctions à tous les distillateurs sauvages qu'il trouvait. Mais au début du 19e siècle, ça se calme un peu, et suite à une réduction des taxes sur les alcools forts, le gin revient en force, mais cette fois-ci, il est consommé non plus partout dans des endroits insalubres, mais dans des vrais palaces à gin, des endroits spéciaux plutôt luxueux, bien éclairés, dans lesquels les gens venaient s'extirper de leurs mauvaises conditions en ville et s'évader un peu. Alors il faut attendre 1830 pour qu'un distillateur irlandais développe une colonne de distillation ultime pour produire l'alcool le plus concentré possible, tout en étant subtil, léger et non contaminé par du méthanol. Son invention se répand alors dans toute l'Angleterre, et le gin devient enfin une boisson sûre et respectable aux yeux des Anglais et du reste du monde. Alors la question que vous vous posez maintenant, c'est comment on fait le gin ? Donc concrètement, vous prenez un alcool fort, neutre, distillé plusieurs fois. La façon dont l'alcool est distillé et le récipient de départ, selon s'il est en verre, en cuivre, etc., peut légèrement modifier le goût de l'alcool obtenu, mais globalement, vous pouvez prendre n'importe quoi qui fait de l'alcool et distiller plusieurs fois pour obtenir votre alcool de base. Et ensuite, il y a trois méthodes pour ajouter du goût à votre gin. Et l'enjeu est d'y ajouter des arômes d'autres plantes, dont le genévrier en majorité, si vous suivez bien. Donc, les gins distillés, d'une part, sont produits donc en distillant de l'eau, de l'alcool et des baies de genévrier avec les autres plantes, en faisant passer la vapeur à travers. Ça, c'est la méthode la plus complexe, enfin la plus chronophage, etc. Mais c'est aussi la préférée des artisans, puisqu'on peut ajuster précisément les arômes. On récupère donc un mélange alcoolisé qu'on ajoute, qu'on coupe à la fin en y ajoutant de l'eau pour y mettre le bon degré d'alcool. Une autre méthode, ça consiste à concentrer les arômes végétaux en les distillant dans une toute petite quantité de liquide, et ensuite on rajoute de l'eau et de l'alcool dans des proportions satisfaisantes à la fin. Et la dernière méthode, ça consiste à ajouter directement les plantes ou les extraits dans le bon volume d'eau et d'alcool, puis de tamiser ou de filtrer d'éventuels résidus avant d'embouteiller. En fait, la boucle est bouclée, le gin c'est un peu comme de la vodka, mais aromatisé de façon très très savante. Des gins, il y en a aussi pour tous les goûts, donc là, avec tout ce que je vous explique, on comprend qu'il y a une infinité de combinaisons possibles pour faire un gin, hein, entre les conditions de distillation, les plantes choisies pour en composer l'arôme, ça peut être des feuilles, des fruits, de l'écorce, du moment que c'est aromatique. Chaque recette est donc virtuellement irreproductible pour qui n'a pas le protocole expérimental exact. Et en tant que consommateur, eh bien, vous pouvez trouver sur le marché tout type de gin. Vous les retrouverez souvent étiquetés avec plusieurs appellations. Par exemple, vous trouverez des gins classiques, donc qui sont faits selon la méthode traditionnelle de fabrication. Ils sont souvent étiquetés comme des London Dry Gin ou des Bombay Dry Gin, des gins secs de Londres ou de Bombay. La règle, c'est que l'arôme doit exclusivement venir des plantes distillées et qu'on ne peut rien rajouter en plus, ni en arôme, ni en colorant. On a aussi des gins plus contemporains pour lesquels on rajoute des touches de plantes ou d'arômes insolites qui peuvent être artificiels du coup. Et il y a aussi toute une gamme de gins qu'on appelle artisans ou fabriqués à la main qui sont autant un argument marketing pour donner l'impression que c'est fait maison qu'un indice pour dire que le gin a été produit en plus petite quantité ou alors dans un contexte insolite ou créatif. Par exemple, certains jardins botaniques déclinent désormais leurs gins avec des plantes de certaines de leurs collections. C'est le cas d'un gin comme le Physic Gin à Oxford, qui est basé sur le Physic Garden, ouvert en 1612. C'est le plus vieux jardin botanique du Royaume-Uni. Et à l'époque, il est destiné à l'enseignement des plantes médicinales. Du coup, cet alcool, ce gin spécialement, est fait avec des variétés anciennes de grains de céréales et les plantes aromatiques sont récoltées directement dans cette collection du jardin botanique d'Oxford. Alors, deuxième ingrédient de notre gin tonic, qu'en est-il du tonic ? En anglais, on parle de eau tonique ou tonic water. C'est une boisson gazéifiée dans laquelle on ajoute de la quinine, une molécule de la famille des alcaloïdes qu'on retrouve dans l'écorce des quinquinas. Le nom scientifique, c'est Cinchona officinalis, un arbuste de la famille du café. Au XVIIe siècle, les peuples indigènes d'Amérique du Sud auraient montré cette astuce aux colons espagnols, donc utiliser la quinine contre les fièvres et contre la malaria. Et comme quoi, l'ethnobotanique, l'étude de l'usage des plantes, ça sert quand même. Et originellement, cette boisson, du coup, était utilisée comme traitement préventif contre la malaria. La présence de la quinine rend par contre l'ensemble de la boisson très amère, et donc l'eau tonique était d'abord mélangée avec du sucre et de l'eau. Comme les soldats anglais recevaient donc déjà des rations de gin, qui étaient très populaires, plus cette eau anti-malaria, le mélange était donc vite fait pour faire passer le tout, et ça aurait été à l'origine du premier gin tonic. Alors la première boisson commercialisée à base de ce mélange de quinine, de sucre, etc., est produite en 1858, et breveté à cette époque-là, donc ça remonte quand même à loin. Les boissons actuelles gazéifiées de type Schweppes et autres contiennent beaucoup moins de quinine qu'à l'époque et sont sucrées avec l'ajout de sirop de sucre ou alors d'aspartame. Il y a maintenant beaucoup de marques de toniques en Angleterre qui sont aromatisées ou non et qui sont autant de choix subtils dans la composition de votre gin tonic puisque vous pouvez et changer l'arôme du gin et changer l'arôme du tonic pour faire des boissons qui sont très subtiles. Pourquoi est-ce que l'amertume a la... Parce que la quinine, ça soigne vraiment la malaria. C'est un traitement préventif contre la malaria, ouais. D'accord. Ok. Parce qu'il disait que le gin... Tu disais au tout début de ta chronique que le gin avait... Pour faire baisser la fièvre. Pour ça aussi, au début. Ça, c'était baisser plus, la fièvre. Mais ça, du coup, ça marchait pas. Aux effets réels ou supposés du mélange de plantes utilisées dans l'alcool. Donc, les baies de genévrier, les fausses baies de genévrier, on pensait à l'époque que ça avait comme propriété de faire baisser la fièvre, etc. On a une idée de la raison pour laquelle la quinine peut avoir un effet préventif. C'est quoi exactement qui confère cet avantage contre la malaria ? Je sais que la quinine, c'est historiquement donc le premier médicament qu'on a eu pour traiter le paludisme. Il me semble que c'est une molécule qui s'accumule dans le parasite qui provoque la malaria, donc le Plasmodium falciparum, et ça va du coup induire une espèce de... Enfin, je sais pas exactement ce que ça fait au parasite, mais ça le fait mourir par inanition, je crois, à vérifier. Donc on va tuer le parasite en quelque sorte et l'empêcher de se reproduire. Ah d'accord, donc il faut quand même être infecté par le plasmodium, c'est pas quelque chose qui renforce ton système immunitaire, etc. C'est quand même quelque chose qui lutte contre le parasite. Mais par contre, il le donnait à l'époque en prophylactique parce qu'il pensait que en boire tout le temps, ça allait empêcher d'avoir la malaria. Ça ne l'empêche pas de l'avoir, mais par contre, ça permet de lutter contre la progression du parasite. Ouais. Mais vu que tout le monde l'avait, c'est peut-être ça l'équation qui allait pas. Donc voilà, cette histoire de quinine. Et donc, à vous de voir, vous, si vous êtes plutôt gin tonic ou gin tout court. Hein. En tout cas, maintenant, tout est limpide sur comment on fait le gin, comment on fait le tonic et comment on les mélange. Et pour finir cette chronique, je voulais terminer avec d'autres anecdotes supplémentaires que j'ai appris en cours de route, aujourd'hui même, au cours d'une conversation. Je dis merci à Sam Ten pour ces informations. Saviez-vous qu'il existe un Coca-Cola transparent, qu'on appelle le Coca-Cola clear, le Coca-Cola clear. Cristal. C'est la même chose, ah non, mais du côté cristal de Pepsi. C'est le Cristal Pepsi. Ah, voilà. Bah oui, donc ça n'a pas beaucoup... Ça n'a pas beaucoup trouvé de et succès ça se vend en pas Europe, du tout. Apparemment, ouais, ça. À cause justement de cette couleur qui rebutait un peu les gens. Mais c'est commercialisé au Japon, apparemment. Donc si vous voulez breveter votre nouveau cocktail à base de coca tonique ou de gin coca, c'est le moment. Voilà. Ouais, mais je préfère, moi j'aime bien l'amertume du tonique. Donc... Moi aussi. Et on rajoute des petits glaçons pour rafraîchir le tout, et c'est parfait. Oui. Oui, c'était un des ingrédients que tu avais quand même oublié dans le gin tonic. Et un petit citron. Et puis un petit mais citron. Alors, le citron, pareil, pas avec tous les gins. Voilà. Donc, les gins, c'est fascinant. Si vous n'en avez pas testé, allez en essayer. C'est encore, je pense, beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche que les vins et les arômes de toute autre boisson, puisqu'il y a beaucoup de mélanges différents. Donc, c'est très intéressant comme boisson et comme composition. Et il y a une vraie science du gin, une vraie ginologie qui est en train de se créer avec des artisans qui testent des épices vraiment insolites, qui rajoute du safran, qui rajoute toutes sortes de choses pour créer des goûts nouveaux. Donc pour finir cette chronique, juste principalement mes sources viennent de deux ouvrages qui sont formidables si vous parlez l'anglais. Le premier s'appelle The Botany of Gin, qui est illustré par Chris Thorogood, qui est un botaniste artiste qui dessine vachement bien. Et le deuxième, c'est The Drunken Botanist de Amy Stewart, qui parle justement de l'histoire de toutes les boissons qui sont faites à base de plantes dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un livre très rigolo. Et du coup, moi, je voulais poser la question au début, si je te demandais d'où c'était, c'est parce que je pensais que la baie venait d'Inde. Ouais. Il y a des gins qui, un gin qui s'appelle Bombay. Mais en fait, c'est pas que la baie vient d'Inde, c'est qu'en fait, c'est là qu'il le buvait. Le Bombay Saphir, c'est le gin qui avait été produit en Inde, mais parce que l'Inde est un pays colonisé par les Anglais, et voilà. Oui, mais les baies venaient sans doute d'Angleterre. Voilà. Maintenant, vous savez d'où vient le gin, ça vient, en fait, probablement de Hollande. Et donc, arriver à la fin de cette émission, Joanne va nous proposer une citation. Très bien. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous citer une citation de Jacques Chirac. Le désarmement suppose une transparence et les dictatures ne résistent pas longtemps à la transparence. Donc une citation tout à fait d'actualité. Faudra rappeler la date dans le... Mais qui aurait été prononcée en 2003 par Jacques Chirac dans une allocution télévisée. Et là, vous vous demandez pourquoi on a choisi cette citation. Seulement parce que c'est la première qui sort sur les sites de citations quand on tape transparent. Mais méditez là-dessus quand même. C'était sans doute sur Saddam Hussein qui le disait d'ailleurs, je pense, à l'époque. Impossible. Encore des questions ? C'est le moment ou jamais. Tu nous conseilles quoi en gin, pour commencer ? Pardon ? En gin, en marque, tu nous conseilles quoi pour commencer ? Ah, bah vous pouvez juste y aller avec du Bombay Saphir tout court, là, tout simple. Il est bon, il est bien pour commencer. Moi, je te conseille pour commencer d'en faire à toi-même. Non, mais il y a des kits sur Internet et tout. J'ai des amis qui en font. Je crois que moi, je pense que ça m'amuserait plus d'essayer d'en faire un. Bon, après, je sais pas. Ça se trouve, tu trappes, ça rend aveugle. Mais bon. Et oui. Transparent. Quoi. Ah, si tu distilles pas, mais que tu trempes dans de l'alcool qui est déjà prêt et qui est déjà bien distillé par des gens, tu risques pas grand-chose. Hein. Bah, ça dépend des baies que t'as chopées. Si tu te alors dis, oui, ah, je prends ça du et tout. Alors oui, faut partir du principe que tu as les bonnes plantes. Puis l'alcool aussi. L'alcool 90, ça marche ? Non. Alors, si, mais il faudrait vraiment de l'alcool, pas de l'alcool ménager, parce que l'alcool ménager, il est transformé pour que justement on puisse pas le boire, pour éviter d'avoir un approvisionnement pour alcoolique. Et en France, on ne vend plus l'alcool à 90 pur. On le vend que à des labos, etc. On peut pas s'en procurer. Mais par contre, tu peux faire macérer des baies de genévrier dans de l'alcool, de la vodka, par exemple. Même titre alcoolique, c'est neutre, ça peut marcher. Voilà, voilà, vous savez tout. Nous précisons que cet épisode n'est pas fait pour les enfants de moins de 18 ans. Et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On se met avec modération. Parce qu'il y a des enfants de plus de 18 ans. Oui. Rien. Nous sommes tous des enfants de plus de 18 ans, non ? C'était mignon quand tu l'as dit. Très bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes d'écouter, comme toujours, si fidèlement, épisode après épisode. Même si en ce moment, l'avenir du monde n'est pas très limpide, et dans cette période de forte incertitude, on vous souhaite malgré tout de trouver du bonheur dans chaque petite chose et de prendre soin de vous. Cultivez-vous, renseignez-vous, et n'oubliez pas que servir la science soit votre joie.